44e leçon. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il l'attend devant la sortie de la douane. Le vol Air France 2867, en provenance de Genève, vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule des gens qui sortent, mais il ne reconnaît personne. Attendez. Là-bas, l'homme en costume gris avec un magazine sous le bras. Ça doit être lui, se dit Monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et, tendant la main, lui dit : Permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF. « Je ne comprends pas le français, » dit l'homme avec un fort accent allemand. Exercice. Il a un magazine sous le bras. « Vous venez d'arriver ?»« Oui, j'arrive de Genève. » « Je ne reconnais personne. Attendez. » Ça doit être lui. Présentez-moi à votre sœur. L'homme en costume bleu avance vers la porte. J'ai rencontré un ami en vacances.